Ah ouais. Du coup, ça m'a ramené aux fameuses douleurs pour moi. Franchement, les contractions, c'est les pires douleurs que j'ai eues physiques. C'est les pires physiquement que j'ai pu ressentir. Les pires, les pires. Les plus douloureuses que tu as ressenties dans ta vie, physiquement. C'est ça, exactement. Les pires pour moi. Et donc, du coup, bah, quand j'ai commencé à les ressentir, justement, le deuxième accouchement, bah, il faut savoir que le bébé, il a pris tout son temps. Donc, pour info, ça a commencé vers 14 heures. Oui, c'est ça, vers 14 heures, elles étaient plus intenses. Les contractions. OK. C'est ça, mais vers 9h30, 10h, ça avait déjà commencé, mais j'étais pas sûre que ce soit ça à ce moment-là, OK, justement. d'accord. Et justement, ce jour-là, j'avais le dernier rendez-vous avec mon médecin qui me suivait, et elle m'a dit, c'est sûr, c'est pour aujourd'hui ou demain. Et effectivement, ça a pas manqué. À 14h, c'était vraiment plus intense. Donc, on OK. pensait même que j'allais Attends. accoucher vers 4h30, 5h. Donc, oui, du coup, effectivement, le travail a commencé pour moi vers 9h30, 10h. Vers 14h, les douleurs étaient intensives, mais vraiment là, c'était vraiment rapproché aussi également. Suite à ça, ben, on est parti à l'hôpital. De là, ils m'ont dit, bah, ça devrait pas trop tarder. Et en fait, bébé, qu'est-ce qu'on découvre? En fait, il s'est endormi. Il a Comment arrêté ça, de. Edo? Il a arrêté. Il était en train de dormir. En fait, il s'était endormi. Ok, d'accord. Ah, je sais pas que c'était possible, ça. Ok. Là, en fait, le travail, effectivement, il était en train de commencer. Mais bébé était en train de dormir. Donc, c'est pour ça que, du coup, les contractions étaient plus éloignées. Ok. Et parce que même elles, du coup, elles ont repris, bah, forcément, le pouls, ce genre de choses, enfin, les battements du cœur. Et ils ont dit, bah, non, bébé s'est endormi. Donc, en fin de compte, tout ça pour dire que ils ont même percé la poche des os. Ça aussi, c'était quelque chose parce que, en fait, comme on sait pas, ils nous parlent pas avant. Juste, elle m'a expliqué sur le fait, sur le moment, qu'est-ce que c'est. Elle me dit, là, il faut percer la poche des os. Vous êtes là depuis telle heure. Et en fait, sinon, ça peut durer toute la nuit comme ça jusqu'au lendemain matin. Et donc, il faut booster bébé là un peu. Ils m'ont même donné des boissons sucrées et tout ça. Mais non, bébé, il dormait vraiment, donc ça faisait rien du tout. Du coup, elle m'a proposé ça comme solution. Et je lui dis qu'il y a un risque pour le bébé parce qu'en fait je pensais qu'à ça, qu'à lui. Et elle m'a dit, bah le risque zéro n'existe pas. Il peut y avoir un risque. Et donc, qu'est-ce qui t'inquiétait en fait? Qu'on puisse le toucher parce qu'en fait faut savoir que quand on Ah, en perce la poche, perçant, d'accord. c'est comme une, ça ressemble, je dirais comme une aiguille géante pour OK. moi. Et bah, elle l'a percé. Déjà quand j'ai vu le truc, j'ai fait, je sais pas si j'ai pris la bonne décision. Il faut savoir que moi j'ai pris un, comment ça s'appelle, pour te relaxer un peu. Du gaz hilarant? C'est ça, du gaz. Oh Seigneur. Du coup, je suis partie. J'étais vraiment dans les vapes. Et puis j'étais dans un espèce de mélange d'angoisse. J'étais plus moi-même à ce moment-là. Et puis, du coup, elle a perché la pose des os. J'étais en pleurs. Il y avait plein d'émotions en fait qui se sont mélangées à ce moment-là. Enfin bref, la pose des os a été percée. Effectivement, l'heure qui a suivi, bébé est arrivé. Ah, c'était très rapide entre la poche des os et ensuite l'accouchement. C'est ça, sachant que je suis arrivée à l'hôpital vers 2h30, 3h, et en fin de compte, j'ai accouché à 22h17. 22h17. Sachant qu'on pensait que c'était imminent, puisqu'effectivement, c'était très rapproché, du coup, les contractions, donc on s'est dit, ça va être là, dans les heures qui vont suivre. Mais non, en fait, bébé, t'es en train de dormir. Bah dis donc, c'est incroyable. Et après l'accouchement, ça s'est bien passé. T'es resté combien de temps à l'hôpital? Je suis restée un jour. Ouais, c'est ça. Une nuit et je suis repartie le lendemain en fait. Comme Ah ouais. justement j'avais mon premier enfant en fait, ils m'ont dit que tout se passait bien, le bébé tout allait bien. En fait, ils ont fait d'autres tests, mais voilà. Mais normalement, si c'est 2 à 3 jours. Ok, maximum. Et là, c'était un jour. Ah ouais, c'est rapide, hein, Mais parce que 24 heures. c'était une demande aussi de ma part. Moi, je voulais rentrer chez moi. Tout était prêt pour bébé, donc c'était ça. Je voulais rentrer chez moi. Et petite précision aussi que j'ai pas dit plus tôt, c'est que ma mère était là et c'était vraiment un très grand soutien moral. Elle était arrivée. J'ai accouché au mois d'août. Elle est arrivée depuis le mois de juin. D'accord. Parce que pendant que tu étais à l'hôpital en train d'accoucher avec ton mari, qui gardait ton aîné? Parce qu'il est encore petit, il se garde pas tout seul. Oui, bien sûr. Ben, du coup, c'était ma mère. Heureusement qu'elle était là. C'était vraiment un très, très, très gros soutien. Mais sur tous les plans, surtout que je pouvais pas bouger comme je le voulais. J'étais alitée. Donc ça, c'est vraiment, même ça, là, c'est très frustrant à vivre. Petite parenthèse par rapport à ça. Tu vois les autres tout faire et toi, tu es là allongée. Limite, t'as un peu de culpabilité, je trouve. J'ai vécu ça un peu. Ouais, ça me faisait culpabiliser de voir que mon conjoint, il faisait tout, ma mère aussi. Enfin, moi, il me disait, non, tu ne peux rien faire, tu ne fais rien. C'était clair et net. Mais c'est très frustrant, moi, je trouve, à vivre, de ne rien pouvoir faire. Okay. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Et okay. puis, oui, du coup, c'est ma mère donc qui s'occupait de mon fils. Du coup. D'accord. Très bien, parce que c'est vrai qu'il faut en parler aussi, parce que quand t'as déjà un enfant aîné qui est grand, mais pas assez pour se garder tout seul, en termes de logistique, il faut aussi penser au moment de l'accouchement, qui va garder, comment, trouver des solutions en amont, ouais. Ok. Il faut anticiper, clairement. Ouais. Clairement, okay. Clairement, faut anticiper. C'est super important, bien sûr. Et comment tu l'as préparé à l'arrivée de son petit frère? Bah, du coup, on en parlait, il l'a su assez tôt. Du coup, okay. on lui a fait la surprise et puis on lui a dit, on lui a expliqué les choses. On lui a dit qu'il va avoir, un petit frère ou une petite sœur. Mm-hmm. Du coup, et puis on lui a demandé aussi comment lui il se sentait par rapport à ça. Je trouve que c'est très important. Faut l'inclure en fait dans beaucoup de démarches, comme par exemple aller regarder des vêtements pour son petit frère ou sa petite sœur. Enfin bref, je pense que c'est bien justement de l'inclure, de lui demander son avis. Comme par exemple, il avait eu un doudou. Et puis, il a dit, comme j'ai ce doudou-là, j'aimerais bien que bébé aussi, il ait son propre doudou. Donc, est-ce que je peux le choisir? Et du coup, c'est lui qui a choisi le doudou pour son petit frère. Ça, c'est génial. Ouais, ça, du coup, ça le fait participer. Puis du coup, on était là, on regardait sur Internet, sur le site, justement. Et puis, okay. on regardait c'était quel doudou qu'il voulait. Et puis, c'est un moment qu'il a partagé pour son futur frère. Du coup. Ok. Ah, c'est génial. T'as raison, faut les inclure le plus tôt possible, je pense, de la grossesse. S'ils sont en âge de comprendre, bien sûr. Comme ça, et ça les responsabilise aussi, ça les prépare lentement mais sûrement. Et après, ils sont susceptibles, en tout cas, d'accueillir le mieux possible l'arrivée du petit ou de la petite sœur. Donc, franchement, c'est très, très bien. Et puis, il faut bien leur expliquer que c'est pas parce qu'il va y avoir un nouveau bébé qui va arriver qu'en fait, lui, il perd sa place. Je pense que c'est très important de leur dire, surtout que lui, il avait 4 ans à ce moment-là, 4 ans et demi. Il faut bien leur expliquer que, il sera toujours autant aimé, en fait. D'accord, je pense que c'est très important de pas penser que parce qu'il y a un petit nouveau, ça y est, moi, je vais perdre ma place, je serai plus le petit chouchou ou peu importe. En fait, chacun a sa place dans une famille, je pense. Et c'est essentiel de toujours garder ce contact, ces échanges, en fait. Et puis, dès qu'ils ont une interrogation, de pas hésiter à leur répondre, en fait. Un super conseil, merci. Franchement, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est top. En tout cas, merci pour le partage. Là, on est en train de parler de ta famille. Est-ce que tu peux nous parler un peu du Québec? Parce qu'en fait, souvent, le Québec, il s'est vu comme un endroit particulièrement favorable aux familles. Est-ce que tu peux nous donner ton avis dessus? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est vrai, pas vrai? Voilà. Oui, franchement, je trouve que c'est assez bien de ce que moi j'ai vécu en tout cas pour l'instant. Mais je vais bientôt retourner au travail justement. Même moi là, je vais devoir commencer à parler de mes horaires entre guillemets à mon travail quand je vais y retourner justement. Parce que les horaires que je faisais avant, là, elles sont un peu moins compatibles avec ce que je fais avec l'arrivée de bébé. Du coup, c'est une toute nouvelle organisation aussi. Okay. Du coup, avant, on était 3, maintenant on est 4, et puis il y a la garderie, donc c'est des notions à prendre en compte, mais oui, pour revenir vraiment ici à la famille, comment ça se vit, tout ça, je pense que déjà, ils ont énormément d'activités depuis le plus bas âge. Okay. Je veux dire, même là, par exemple, il y a des cours de yoga, par exemple, que tu peux faire avec ton bébé. C'est génial. Comme ça, maman peut en profiter et bébé est là aussi, en fait. Ah, ok, c'est des cours de yoga, maman plus bébé. Ah, c'est génial. Oui, maman plus bébé, c'est ça. Exactement. C'est dingue. Oh là là, c'est trop bien. Aussi, c'est pareil. Tu peux avoir des cours où, justement, tu es avec ton bébé et même aussi pour les un peu plus grands. Mais quand j'ai un peu plus grand, entre 0 et 5 ans aussi, il y a certains cours ou certaines activités où tu peux les inclure. Justement, tu puisses faire ton cours. Ok. Donc, c'est vraiment génial. En fait, ils essaient de vraiment faire en sorte que tu sois une femme épanouie, même si tu as un enfant en bas âge, en fait. Ah, c'est trop bien, c'est trop cool, ça. Donc, c'est vraiment top. Après, faut juste chercher, là, mais je veux dire, il y aura aucune difficulté à trouver. Je veux dire, c'est pas des services que tu vas trouver difficilement. Déjà, la ville en elle-même, comment c'est structuré, déjà, sur le site de la ville de Montréal, il y a déjà pas mal d'activités qu'ils proposent. Et puis, les prix sont très accessibles aussi. Ça reste accessible selon l'activité, mais ça reste accessible quand même.